du moi. Moi pas touché beaucoup l'argent. Y'en a l'argent, y'a pas l'amour. Oh ma parole. Moi, y'a dansé, Amina. fumée de la pipe. Et mon argent parti cadeau. Ah, ma parole. Danser, Jamila.